Salut à tous, il est 20h, c'est Club 80, Club 80 comme tous les samedis soirs à partir de 20h jusqu'à 21h. Et on balaye ensemble la musique club des années 80 avec des morceaux que nous avons tous aimés et qu'on n'a plus forcément en tête. On va essayer de se les remémorer ensemble et ça démarre tout de suite avec un morceau funk de 1984, Surface, When My Ex Wants You Back. Et ce sera suivi juste après du groupe Scotch. Tu peux être tranquille. Radio Wetio. Vous écoutez Club 80 sur Radio Wetio. Wetio, la blockchain africaine. Son Made in Italia pour ces années 80 et le groupe Scotch Loving is Easy. Juste avant, il y avait Surface, When My Ex Wants You Back. Et on continue la musique, on va passer au style High Energy maintenant avec l'une des têtes de liste de ce mouvement du début des années 80. C'était du disco synthétique et High Energy, symbolisé entre autres par Sylvester, Patrick Collet et évidemment Bobby Orlando. Tout de suite, I'm So Hot For You. Il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. I'm so hot for me. I'm so hot for you, and you're so hot for me. at the party, so I thought I'd play the game. Two strangers in a lonely room, I asked you your name. I have the answer to the question in your eyes. That we should love tonight should be no surprise. From the corner of my eye, I saw you going by. I'm so hot for you and you're so hot for me. I'm so hot for you and you're so hot for me. I'm so hot for you and you're so hot for me. What are you waiting for? The things that I am thinking I should probably be ashamed. Why don't we leave here? I'll show you how I am. Just want to show you what it's like to have a man. From the corner of my eye, I saw you going by. I'm so hot for you and you're so hot for me. I'm so hot for you and you're so hot for me. I'm so hot for you and you're so hot for me. What are we waiting for? Money? Yeah, well, I thought our thing was on another level entirely. turns out they were only after one thing. voilà un morceau que les DJ s'arrachaient, car au départ, quand il est arrivé en France, il est arrivé en importation. Il n'était pas facile à trouver. Le groupe Tempers avec No Favors. Et juste avant, on avait Bobby Orlando pour la High Energy Music et I'm So Hot For You. Voici la tigresse maintenant, Erta Kitt, I Love Men. Et cette voix bien particulière et ses râles durant ces morceaux très très spécifiques d'Erta Kitt. Vous avez entendu ? La clairvoyance, l'intuition. Radio Wetio. Il a l'air en forme, hein, lui aussi. Radio Wetio, le son de la crypto. Mmh. Sylvester à l'instant dans Club 80 avec Band of Gold. Sylvester, c'est l'un des artistes que j'ai le plus apprécié. Il venait d'une chorale de gospel et il est arrivé à la disco music à la High Energy avec évidemment Patrick Collet, Marty Blackman et le label Megaton Records. On continue dans la High Energy avec Macho, I'm a Man, Yes I Am. Ça ne vous gêne pas cette boîte de nuit là en dessous de chez vous? Une boîte de nuit.

Vous écoutez Radio Wetio. Radio Wetio, le son de la crypto. Sur Radio Wetio dans Club 80, comme tous les samedis soirs de 20h à 21h, nous avions Michael Bow pour Love and Devotion et à l'instant Paul Parker pour Pushing Too Hard. Et puis on termine avec Peter Jack Band et là on va faire un saut vraiment dans le disco. C'est italien, produit par des Italiens avec un son américain. Et ça date de 1978. Peter, Jack, Ben, Fire Night Dance. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 20h sur Radio Wetio. C'est Club 80 tous les samedis soirs. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Radio Wetio. what I'm after. This trip is what I need now. Yeah, babe, I'm a dancer. We're moving faster. Keep rolling and rolling. The music is rolling. Radio Wetio, le son de la crypto.